Autrefois, qui étions-nous? Le gentil ou le loup? L'assassin du souterrain? Le bourgeois dans son jardin? Je suis au cœur de terrain, plongeant dans tes entrailles. Entrailles, y a-t-il une fin? Je regarde les étoiles, y a-t-il un monde idéal? Sommes-nous déjà enfermés sous des structures d'acier? À vrai dire, qu'est-ce qu'un satellite? Une image qui attire, mais n'oublie-t-on pas notre empire, les ciels?